Quelle est donc cette faculté singulière qui substitue ainsi l'imagination à la réalité ? Quel est cet orchestre idéal qui chante en dedans de moi ? Une instrumentation sourde, une harmonie large et sinistre, une lugubre mélodie, un chœur en unissons et octaves, semblable à une grande voix exhalant une plainte menaçante.